Le rassemblement au niveau central consacré au 90e anniversaire de l'Union pour abattre l'impérialisme, organisation révolutionnaire de type Tutsé fondée par le président Kim Il-sung, a eu lieu le 16 octobre au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président d'un parti ami, les membres des organes directeurs centraux du parti dans la ville de Pyongyang, les cadres des organes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, les cadres des établissements, des usines et des entreprises, les novateurs de travail et les familles des martyrs révolutionnaires de la ville de Pyongyang. Dans son rapport, Kim Gi-nam, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a dit « Le président Kim Il-sung a constitué l'Union pour abattre l'impérialisme, organisation d'avant-garde de type nouveau, le 17 octobre de l'an 15 du Tutsé 1926, avec le dessein grandiose de frayer une voie nouvelle de la révolution coréenne. » La constitution de l'Union a été la déclaration historique qui a annoncé le départ solennel de l'œuvre révolutionnaire Tutsé et l'événement qui a marqué un tournant décisif pour remodeler le destin de la nation. La lutte révolutionnaire de notre peuple a pu saluer une nouvelle époque de l'histoire pour se séparer de tous les courants d'idées périmées, notamment la servilité envers les grandes puissances et le dogmatisme, et progresser victorieusement grâce à la force de la nation guidée par les plus justes lignes, stratégies et tactiques révolutionnaires. Notre révolution, qui a débuté avec l'Union pour abattre l'impérialisme, a surmonté toutes les épreuves grâce à la direction éminente et expérimentée des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il pour défendre la lignée Tutsé et suivre l'unique voie de la victoire. L'édification du parti Tutsé et l'œuvre révolutionnaire entamée par l'Union pour abattre l'impérialisme salue l'époque de la grande succession et d'un grand tournant sous la direction du respecté camarade Kim Jong-un. Tous sont appelés à s'unir plus autour du camarade Kim Jong-un pour parachever à merveille l'œuvre révolutionnaire Tutsé débutée par l'Union pour abattre l'impérialisme.